La conférence ce soir, numéro 96, c'est la magie des quatre éléments. Ça m'est descendu dans le coco quand, à un moment donné, j'ai commencé à avoir une envie de m'acheter une guitare, le 30 janvier, très exactement, 2013. Et puis, j'ai dit, voyons donc, qu'est-ce que je fous là? Ma guitare, c'était quand j'avais 17-18 ans. Et puis là, les forces ont commencé à m'expliquer, plugué comme je suis. Et on dit, tu maîtrises l'air, les idées, la communication, tu es en plein contrôle de ça. Le feu, tu es un bon pilote, tu tires la carabine, tu es bon aussi là-dedans. En fait, tu as mis beaucoup d'élan là-dedans. En général, quand j'embarque dans quelque chose, j'ai beaucoup de feu. La terre, bien évidemment, je fais de la bourse. Je suis là-dedans depuis des années. J'ai un système comptable très sophistiqué depuis l'âge de 22 ans. Mais au niveau émotionnel, après trois divorces, on se pose des questions. Fait que là, tu dis, ouais, là, ça se peut que j'aie une faiblesse. T'sais. Le secteur émotionnel, il n'est pas trop équilibré, mettons. Puis là, j'ai dit, comment je peux compenser ça? Parce que là, avec les femmes, c'est fini, là, j'en veux plus, là, c'est assez, là, les complices, là. Et puis, c'est pour une autre vie, tu sais. On ne peut pas être initié puis être en même temps marié. Ça, si on disait que ça ne fait pas ensemble, c'est un conflit à toi, parce qu'il y a les forces qui te parlent, il y a ta femme qui te parle, puis elle, tant qu'elle ne parle pas avec ça en haut, il y a un conflit, tu sais. Fait que j'ai des émotions, ben, il dit, écoute, il dit, si tu ferais de la danse, oublie ça. Si tu ferais de la guitare, c'est mieux. Et puis, si tu fais quelque chose, style du macramé ou des arts plastiques, donc ça, on va passer ça. Je reviens à la guitare, ça va être mieux. Fait que là, je me suis acheté une guitare, je me suis équipé pour très exactement 6 000 d'équipement. Et puis, j'ai dit, bon, maintenant, c'est bien beau. J'ai fait 2 mois, je magasine les instruments, papa. J'ai accouché, c'est bien. Mais là, il faut que tu joues, hein? C'est qu'on s'entend que jouer du blues, il paraît que c'est la base de la musique. Avant de faire du jazz, tu fais du blues. Faire du blues, c'est plus comme c'était, hein? C'est pas Eric Clapton, là, qu'on... C'est des... Et puis, c'est des gars qui jouent beaucoup. Mais ils ont dit, si t'es capable de maîtriser ça, c'est une base de 2 ans, 3 ans, tu vas balancer les 4 éléments. J'ai dit, ça fait quoi, ça, que je balance les 4 éléments? Je suis bien, là, je me sens balancé, même si j'en maîtrise juste 3 du jour au B. Je suis fin avec le monde, je chiole pas trop, ça a bien du sens. Ils ont dit, si tu réussis à balancer les 4 éléments, tu vas réussir ta vie. Pas nécessairement réussir dans vie, mais tu vas réussir ta vie. OK? Réussir ta vie, ça veut dire que tu es absolument complet. Donc, tu peux vivre seul, tu peux vivre avec le monde, puis en aucun cas, tu es dérangé parce que tu es complet. Ah, je dis, ça, c'est un beau défi, ça. Il me reste juste ça, là. Les 3 autres, c'est correct, j'ai plus besoin de revenir. Il dit, il faut que tu les entretiennes, les 3 autres. Mais ça, j'ai dû parler, m'ont parlé toute ma vie. La drive, ben, ça dépend du corps que vous me laissez, là. Sans les deux, je commence à avoir de la misère à descendre puis monter les escaliers. Mais ça, c'est pas mes affaires, c'est vous autres. Puis la terre, ben, la forme, l'argent, c'est encore eux autres. T'sais, pour moi, c'est pas compliqué. Je fais ma comptabilité, j'ai une bonne gestion des systèmes financiers. Je le quitte. Fait que j'ai dit, il me reste juste l'eau. Maintenant, l'exhaust puis le drame, ça, j'ai fait ça pas mal longtemps en consultation, mais là, c'est moi personnel, là, ce coup-là. Bon, OK. J'ai dit, c'est garanti, je réussis ma vie si je fais tout ça, là. Ouais, pas de problème. J'ai dit, bon, ben, écoutez bien, moi, dans ce contexte-là, ça fait mon affaire. Fait que, là, j'en suis venu au fait qu'il fallait que je comprenne. Puis là, j'ai passé une couple de mois à jaser avec eux autres, puis là, ils m'expliquaient que le secteur émotionnel, c'est ce qui drainait le monde. Et puis que les gens qui étaient bien polarisés au niveau de la charge émotionnelle, ils étaient jamais capables de trouver un point de satisfaction. Même, tu sais, tu vas prendre un homme d'affaires, c'est très fort au niveau de la terre, là, dans le sens qu'ils ont beaucoup de forme, beaucoup d'argent, ils ont un sens pratique très développé, mais ils sont tout le temps en déséquilibre. Exemple, s'ils n'ont pas d'idées, bien, ils sont toujours obligés de faire référence à d'autres gens qui ont des idées, puis qu'eux autres investissent dedans, mais eux autres n'ont pas d'idées. C'est juste des gens qui sont finalement des investisseurs. S'ils ont du feu, en général, oui, parce qu'un homme d'affaires a besoin d'un certain feu, une certaine drive, beaucoup d'énergie pour entraîner des mouvements de faire travailler un environnement ou d'emmener des gens à se développer à un niveau quelconque, ça demande une drive. Donc, à la plupart des gens qui m'ont expliqué, ils ont dit qu'il lui manque au moins 1 et souvent 2 éléments. Dans leur vie, là, il lui manque ça. Si on a un déséquilibre sur le plan émotionnel, puis on a un déséquilibre au niveau, exemple, de la forme, l'argent, les chances qu'ils s'en aillent vers un monde de pauvreté est très, très, très, très assurée. T'sais? Parce que être pauvre, c'est avoir un déséquilibre dans l'eau puis un déséquilibre dans la terre. Fait que, automatiquement, tu n'as pas de ground quand tu es dans ces deux zones-là en déséquilibre. Et puis, même si tu as des idées, si tu n'as pas la terre, des gros parleurs, des petits faiseurs, c'est un petit peu ce principe-là. Où l'air, les idées avec le feu qui est en carence, dans le sens où tu manques d'élan, tu manques d'énergie, mais ça fait encore des gens qui parlent, mais qui ne sont pas capables de bouger. Vous me suivez? Donc, évidemment, là, je ne peux pas faire du personnel à soir, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est des registres qui touchent l'âme. L'esprit, lui, est capable d'emmener un individu qui a une programmation carencée, donc il y a de la carence, donc un manque. L'esprit est capable de, parce que c'est des programmations, donc vous venez au monde avec votre programmation, et puis vous avez des carences qui sont à la naissance, qui durent toute leur vie. J'entends souvent parler des gens qui disent, moi, quand je veux, je suis capable de faire quelque chose dans la vie. Bon, merveilleux pour toi. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que si vous êtes capable de faire ce que vous voulez, que vous dites que vous voulez, c'est que vous avez une intervention de l'esprit dans votre programmation et vous sentez un feu qu'on appelle ni plus ni moins une vibration qui vous pousse dans la carence pour la dépasser. C'est comme moi, on m'a poussé à la guitare et puis j'ai acheté une guitare, là j'achète en cheap, là, une petite guitare à 600$. J'ai dit non, c'est pas, elle est pas belle. T'sais. Puis là, ben la vibration s'est installée, puis en finale, ben comme je vous dis, je n'ai acheté pour 6 000$ deux guitares. T'sais. Fait que là, j'ai dit là, le tu sais quand tu dis harponner le poisson, là j'avais l'hameçon dans la gueule, puis je pouvais plus l'enlever. Là. Il fallait que j'y aille. Je suivais la ligne à pêche. Mais ça, c'est l'esprit qui m'a poussé dans un jeu d'âme à un registre que je pouvais plus reculer au niveau de l'âme, parce que là, il y a trop de pertes. Et puis, ben beau, accroché sur le mur, là, mais tu sais, à un moment donné, il faut que ça bouge. Et puis là, j'ai dit, vous allez me driver, mais lâchez-moi pas, là. J'ai dit, au moins, besoin de 2 ans et demi pour m'endurer, là. Il faut que la guitare, elle crache un peu. Fait qu'ils ont dit, inquiète-toi pas avec ça. Bon. Donc, ce que je veux mettre ici en relief, c'est que les 4 éléments, tout le monde est dans une carte du ciel, quand on fait, moi, j'étais astrologue longtemps, quand on fait une carte du ciel, là, évidemment, les planètes sont pas toutes en même place. Quand quelqu'un dit, moi, je suis vierge, il est vierge, le soleil est en vierge, mais souvent, il y a des planètes en signe d'eau, des planètes en signe de feu, des planètes dans différents secteurs de la carte qui font des modifications. C'est quand on dit, je suis Verseau, ça, c'est l'astrologie de salon. Une autre correction que j'ai à faire, vous êtes pas ni cancer, ni vierge, ni poisson. Vous devenez cancer, vierge ou poisson. C'est au cours de votre vie que vous devenez les attributs qu'on donne aux signes quand vous lisez des livres. OK? Vous devenez. Moi, j'étais pas Verseau comme je suis Verseau aujourd'hui. Aujourd'hui, j'étais un vrai Verseau. Parce que j'ai poussé des projets. Un Verseau, c'est un signe de projet. Ils font des projets. Ils capotent ses projets. Ils aiment ça faire des projets. Ils en font souvent trop de projets. Mais trop de projets, c'est quand tu deviens Verseau. Tu t'expérimentes dans les projets. Comme les lions, c'est des signes qui sont dominants, mais avant, quand ils commencent, les vies, ils sont très dictateurs. Ils deviennent organisés, structurés, et deviennent des leaders dans la vie, là, structurés, balancés, équilibrés, peut-être vers la 50aine. Avant ça, ben ils cherchent à bosser, là, tu sais. Parce qu'ils expérimentent l'autorité léonienne, là, léonien, tu sais. Et on voit automatiquement que quand on regarde un enfant, moi, mon gars était poisson, il n'y a rien de plus perdu qu'un poisson. C'est faire de l'ordre d'un poisson, là. Écoute, faut que tu le fouettes, faut que tu le battes, faut que tu fasses quelque chose. Puis, avec les années, il a appris à s'organiser. Donc, il devient un poisson parce que c'est le signe de la finition, le poisson. Un poisson, là, c'est tellement important pour lui, les ambiances, que c'est un signe qui aime beaucoup les choses avec la finition, les éclairages, la musique est sur le signe du poisson. Tout ce qui demande une perception pratiquement extrasensorielle, c'est dans le signe du poisson. Il devient comme ça avec les années. Il devient médium. On s'entend, là? Vous n'êtes pas né scorpion. Vous êtes scorpion en vivant. Votre vie vous emmène à être votre signe. Et toutes les autres planètes qui sont dedans. Bon. Je reviens aux 4 éléments. Tout le monde est affecté par les 4 éléments. On est né, les gens qui sont plus dominants en signe d'air dans le quart du ciel, ont évidemment plus d'idées que la moyenne. Donc, ils maîtrisent plus facilement le domaine de l'air, les idées, la communication, parce que ils ont des influences de d'autres planètes. Ça peut être Mercure, Jupiter, n'importe quoi. Que vous avez des périodes de votre vie qui, karmiquement, qui, dans votre destinée, améliore votre vie rapidement ou la détériore dans une certaine mesure à cause des effets de Saturne, d'Uranus, Neptune, Pluton qu'on a là, qui affecte beaucoup les cancers, Capricorne, Bélier, Balance. Et conséquemment, ben quand vous êtes affecté par ces mouvements-là, là où il y a des carences, ça apparaît plus. Et l'esprit doit intervenir plus sur votre âme pour pouvoir faire les corrections nécessaires. Et encore là, j'entends bien que l'esprit intervient quand votre esprit est assez reconnu pour qu'il puisse communiquer en bas. Vous me suivez? C'est bien beau de dire, ah, il faut passer au deuxième étage, mais tu sais, il faut que tu sois capable vraiment de passer au deuxième étage. Fait que les gens qui sont, entre guillemets, inspirés par une vibration, c'est des gens qui peuvent pas se foutre, là, mais qui peuvent faire fi de l'influence de l'âme quand ça tombe dans les jeux dramatiques, quand ça tombe dans des excès d'euphorie ou des excès dans le comportement. Donc, ce que je veux mettre ça en relief, c'est qu'en vous parlant des quatre éléments, arrivez-moi pas avec une pensée, « Ah, ben c'est juste pour mon signe. » Non, non. C'est vaste, une carte du ciel. C'est pas sûr que vous connaissez toute votre carte du ciel, tu sais. Fait que c'est sûr que les influences que vous avez dans votre carte, ça déborde de votre signe astrologique. Je vous fais cette mise en garde-là parce que les gens, ils vont entendre qu'on parle de leur signe, mais c'est pas ça l'astrologie. L'astrologie, c'est beaucoup d'influences, c'est 10 planètes. Pas juste le soleil, c'est 10 planètes. Puis ils ont toutes des influences assez importantes, peu importe le signe que vous êtes. Donc ça, c'est la mise en situation. Et puis quand je vous dis, parce que la conférence, je ne veux pas la porter sur l'astrologie, je veux la porter sur le fait que quand on maîtrise les quatre éléments dans une vie, dans notre vie, par l'intervention inévitablement de votre esprit, donc il va vous, ni plus ni moins, vous mettre en vibration pour avoir un regard différent sur une situation donnée, qui n'est pas naturel chez vous. Moi, c'est pas naturel de jouer de la guitare, mais c'est naturel de parler, c'est plus naturel de chanter que de jouer d'un instrument comme tel. Mais bon, je vais mettre en relief ça et vous faire comprendre chaque élément. Puis là, ceux qui s'identifient dans une force, tant mieux. Bon, vous en parler en détail. Et puis quand vous allez voir des carences, vous dites, ah non, moi je suis pas fort, c'est pas mon point fort dans la vie. Bon, je commence par le feu. Le feu, ça se raccorde au signe du bélier, le lion et le sagittaire. Le feu, en principe, ça le dit, c'est une énergie qui se consomme. Donc, c'est la partie de votre vie qui doit être consommée. C'est un signe positif. C'est tout, bélier, comme je vous l'ai dit, les trois signes de feu, c'est des signes positifs. Donc, c'est des signes qui se consomment énormément, très rapidement. C'est de là que vient leur intensité. Et cette intensité-là, elle n'est pas vraiment contrôlée. C'est une intensité qui va selon l'événement, selon la nature de l'événement et selon la demande dans l'environnement. T'sais, c'est comme le feu, ça a besoin d'air pour sortir. T'sais. Fait que si tu l'étouffes, ben il n'y a plus de feu. Donc, ça se marie avec un environnement ouvert et non pas un environnement fermé. Ça veut dire que si vous placez tous vos élans dans un environnement qui vous éteint, qui vous étouffe, qui vous limite, vous allez perdre votre feu. Et généralement, les gens qui ont du feu dans la vie, là, qui ont une grosse drive, un gars comme moi, exemple, qui drive énormément, j'ai toujours besoin d'ouverture. Si je sens une fermeture, je vais essayer de forcer à ce que l'obstacle disparaisse ou je m'en vais pour avoir de l'air, pour avoir une place où je peux brûler, où je peux me consumer. Vous me suivez? Bon. Fait que c'est bien important de comprendre ce point-là, parce qu'il y a des choses que vous allez faire naturellement, mais ceux qui sont des signes d'eau ou qui ont une grosse influence en eau, eux autres, ils s'étouffent. Ils aiment ça s'étouffer, puis perdent la communication. Fait que là, c'est tout des « puis là, moi, je m'endors avec un « hum », c'est fatal. J'ai besoin d'air. J'ai besoin de feu, j'ai besoin que ça drive, tu sais. Fait que, il faut bien comprendre à ce moment-là que si vous avez ça naturel, puis que les gens, ils vous responsabilisent dans votre drive, dans votre élan, souvent, c'est des éteignoirs, ces gens-là. Donc, faites attention. Quand vous voulez avoir un développement au niveau du feu, il vous faut un endroit légal où vous pouvez crier, japper, tirer du gun, faire n'importe quoi qui exprime, qui sort. Puis vous dites, vous allez faire des conneries. Je connais pas grand monde. Moi, quelqu'un te tire, ils vont pas tirer à un moment donné. Ils ont pas tiré dans la cible. Ils ont tiré 10 balles, puis il n'y a pas un trou. C'est fuck, elle est en quelque part, cette balle-là. Mais ça en va un petit peu plus loin que 200 mètres, puis il y a un bœuf de mort. Ah, oh, gros, ça. Fait que ce qui est bien important de comprendre, c'est que malgré le fait que le feu vous place en erreur souvent, vaut mieux avoir de l'air pour pouvoir exprimer votre élan que d'être confiné. Puis ça, toutes les gens qui sont marqués dans le quart du ciel avec beaucoup de planètes en feu, ils savent que très jeunes, il leur faut un environnement ouvert, sinon ils développent des complexes. Ils développent une peur phobique d'être enfermé. Ça va faire des gens qui ont de la misère à prendre l'ascenseur. Ça peut aller aussi loin que ça. Fait que, maîtriser le feu, c'est maîtriser la projection. Tout le monde, dans la vie, a besoin de se vendre. Mon gars, il me dit un jour, quand il était jeune, dans le temps que je pouvais y parler, il me demandait, il dit, c'est quoi le plus important dans la vie? J'ai dit, écoute, ben, je te mets la main sur la bouche, puis je te laisse ton nez pour respirer, puis parle-moi. Ben, tu me mets pas la main sur la bouche, je vais avoir de la misère à m'exprimer. Bon, le plus important dans la vie, c'est de t'exprimer. Toi, tu es une nature renfermée. Renfermée, c'est pas des bons vendeurs. Puis dans la vie, vendre, c'est l'essentiel. Si t'es pas capable de te vendre, t'as pas le droit de vivre. Pour vivre, il faut que tu te vendes. Les gens vont aux études pour être capables de se vendre plus facilement ou se vendre dans certains secteurs dans lesquels... Même un médecin qui travaille dans la recherche, il a besoin de se vendre au moins une fois dans la vie pour être engagé, c'est un minimum. Il va être obligé de se vendre toute sa vie en faisant X performances pour justifier son salaire. Fait que se vendre, c'est la base. Donc, il faut que tu t'exprimes. Ça, c'est la base. Il dit, à part de ça, la société est bâtie de gens émotionnels. OK? Fait que si t'es dans un environnement, habituellement, si tu veux pas subir le rejet, faut que tu conviennes avec le milieu dans lequel t'es. Puis, il y a plusieurs types de milieux. Un milieu pauvre te juge pas de la même façon qu'un milieu riche. Un milieu éduqué, dans le sens d'instruit, universitaire, ne te juge pas de la même façon que des gens qui ont lâché l'école en quatrième année, juste après avoir été raconté. C'est bien évident que faut que tu aies une bonne lecture, parce que sans ça, tu vas troubler des émotions. Tu peux engendrer beaucoup de drames, puis dans les milieux qui t'aiment bien, parce qu'ils te trouvent drôle, c'est tout ça, tu vas générer une forme quelconque d'euphorie ou d'extase. Fait que ça, j'ai dit, tu commences par ça. Après ça, tu te bâtis ces deux autres, les idées, puis le sens de l'argent, de les valeurs, de l'échange, toutes ces choses-là. Bon, fait que je passe à l'eau, parce que c'est, comme je vous ai dit, c'est un peu le mode d'éducation que j'ai donné à mon gars. L'eau, c'est l'aspect le plus subjectif de la vie. Il faut apprendre à lire la subjectivité dans l'environnement dans lequel vous fonctionnez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une personne, je me suis pogné avec un gars, moi, là, qui me vend mes CD. C'est vital pour moi acheter des CD, puis acheter des caisses, le kit. Et puis, il m'a refilé il a fait une erreur, mais c'est pas plus grave que ça. Il m'a refilé des DVD. Je peux pas brûler des DVD si ma machine, c'est un brûleur à CD. Fait que j'ai eu des problèmes, puis j'avais une grosse run de CD à faire d'une fin de semaine que j'ai pas pu faire parce que j'avais des DVD. Je retourne le lundi, j'ai dit, une fois que tu me changes ça, tu m'as donné des DVD, puis moi, c'est des CD que je prends. Ah, on ne reprend rien. Ah non, écoute bien, mon pit. Le comptoir va arracher avant que je sorte d'ici, tu vas me donner des CD. Puis là, il ne voulait pas. Ah, j'ai dit, tabarnak. Tu veux-tu que j'aille de l'autre bord du comptoir quand je commence à arracher les planches? Il dit, sac pas après moi. C'est pas après toi que je sac. C'est par le fait que j'ai des DVD. Je descends de Saint-Jérôme à Laval pour changer les deux spindles de sang que tu m'as donné de DVD. T'as moins des CD. Il voulait pas. Ah ben là, tu vas connaître l'autre partie de moi-même qui est purement animale, qui ressemble sérieusement à un tigre et puis qui va graffiner tout ce qui est ici. Là, il y avait la mère du propriétaire qui était en arrière. Elle arrive en avant puis elle me voyait lever le ton. Elle dit, monsieur, as-tu tué les pots? Je dis, non, pas tout de suite. Donnez-moi 10 minutes. Il a finalement donné les CD. Là, aujourd'hui, il fallait que j'aille en chercher d'autres. Et puis, il me boudait. Il dit, c'est pas moi qui te sers. tu as encore quelque chose à te reprocher, c'est pas mon problème. Je dis, moi, je suis bien de bonne humeur le matin. Là. J'ai dit, je suis encore descendu de Saint-Jérôme pour passer une belle fin de semaine. Parce que là, j'ai besoin de CD. Il dit, t'en rappelles-tu? Qu'est-ce que tu m'as donné la dernière fois? Je dis, oui. Mais il dit, c'est pas moi qui te sors. Correct. Pas de trop. Il était dans l'émotion, OK, quand il m'a la première fois. Puis là, il était encore dans l'émotion. Il en a reviré ça un drame. La madame est arrivée en avant. Elle dit, je vous surveille, là, vous. Pas de problème, madame. J'en ai pour 200 piastres à acheter. J'étais un bon client. Fait que j'avais le goût de rire, vous comprenez bien. Moi, j'étais dans l'extase de leur drame. Et puis, les émotions, pas trop de trouble avec ça, tu sais. D'ailleurs, pour en avoir, il faut jouer la guitare, hein. Ils l'ont dit, les forces. Fait que l'eau, pour une personne, oubliez jamais que ça représente les émotions. Si vous rencontrez quelqu'un qui est bien émotif, dites-vous qu'il est dans l'eau, pas de ses oreilles, mais il est peut-être en train de se noyer. Et puis, il cherche à s'en sortir, mais c'est très, très, très polarisé. Et c'est le monde de l'interprétation subjective. Si vous réussissez à maîtriser le subjectif dans la vie, je t'ai dit que vous avez 50% de chances de réussir dans la société. Indépendant de vous autres, quand vous allez revenir à la maison, puis vous allez partir à broyer parce que vous avez écouté tous les problèmes de la planète. Donc, la maîtrise de l'eau, après avoir maîtrisé le feu, c'est 80% de la réussite de la vie, je pense. Je dis « je pense » parce que moi, je maîtrise bien deux autres, mais ça dépend évidemment pour vous autres. Mais c'est sûr que quelqu'un qui maîtrise le subjectif de la vie, pas l'objectif. L'objectif, c'est sous l'effet de l'air et de la terre. T'sais, il y a toujours un signe positif et négatif qui maîtrise des éléments, qui maîtrise une dynamique quelconque. Les autres, c'est plutôt l'aspect rationnel, l'ordre. L'organisation. Mais le feu, c'est un peu irrationnel, tu sais. Ça va comment que l'événement se place, ça suit un courant. L'eau, c'est la même chose, mais dans le facteur purement émotionnel. Donc, une personne qui maîtrise les émotions, là, vous allez me dire, moi, je suis pas trop émotif. Écoutez, peut-être que toi, t'es pas émotif, mais que ta mère, elle pète une coche régulièrement. Peut-être que ton environnement est bien émotif, puis que t'es dans cet environnement-là, justement, pour les couler. Mais il reste quand même qu'il faut que tu aies une bonne lecture de la subjectivité des gens. Comme moi, je suis prêt avec ce gars-là, là, quand je m'en vais aller me chercher des CD. Puis là, les fois, ils m'ont dit, achète-en pour 5 ans. Tu le verras pas souvent. Si t'achètes 1000 CD, là, tu n'en vas pas pour 4-5 ans. Fait que là, j'ai commencé à stocker. J'en ai appris juste 2 spindles aujourd'hui, 100, 200. Puis j'en avais déjà 2 autres chez nous. J'ai dit, ouais, bon, pas le calcul. M'est arrivé chez nous, m'a dit, où est-ce que je place ça dans la maison, pas dans le grenier, moi, j'ai oublié. Puis là, j'ai dit, m'en acheter pour 5 ans. À 5 ans, il va m'oublier, hein? Ou il va perdre sa job, mais les deux. Fait que j'ai dit, bon, on va régler ça de même. C'est ça, c'est vraiment un typique air. Tandis qu'un autre typique eau, lui, il se fait recevoir comme ça. On va y aller tous les semaines. Tu vois ça, m'a le cassé. Là, j'ai le goût de sacré, mais c'est pas un monde. M'a le cassé. Toutes les semaines, m'a acheté un spindle à fois. Ça, c'est de l'eau avec de l'eau. Okay. Là, la personne, elle fait pas une étude de la subjectivité. Elle devient subjective. Parce qu'il faut pas oublier, quand on saute dans une piscine, on se mouille. Hein? Pas pire, la douche, l'appareil. Tu prends ta douche, à moins de te mettre un imperméable, tu vas te mouiller. Fait que si tu rentres dans les émotions de votre environnement subjectif, vous allez, puis vous avez un avis contraire, vous allez vous scraper là, ça va être définitif. L'eau, t'es pris avec la subjectivité des gens. Réglez ça, la lecture que vous avez des autres, pense à elle, qui est signe d'eau, hein, puis qui est pris avec toutes les affaires de, comment t'appelles ça, de... C'est les underground à l'école, là. « Ah, vas-tu me faire un procès? Vas-tu me... Ah, gna, gna, gna, gna. » Tu sais, tu couches avec ça, puis tu penses à ça, là, puis tu développes un cancer sur une base de 5 ans. Là. Ça, c'est typico, ça. Mauvaise lecture de l'environnement, mauvaise gestion de la subjectivité de l'environnement. Ça, là, c'est ça, puis le feu, là, bien, bien, bien important. Il faut que vous soyez capable de gérer ça. Je vais vous expliquer après les trucs. Ben non, c'est ça. Là, je fais juste vous identifier les effets. OK? L'air, un signe d'air. L'air, c'est le monde des idées. C'est sûr que si vous êtes dans un environnement de laboratoire, vous avez moins besoin de communication, mais vous avez besoin de beaucoup d'idées et de temps en temps de communiquer ce que vous êtes capable de découvrir. Donc, c'est très, très important pour les gens de pouvoir communiquer éventuellement, même si vous n'êtes pas des communicateurs, parce que tout le monde n'est pas né pour être conférencier, consultant ou name it, ou directeur de personnel, n'importe quoi. Mais il faut quand même que vous vous transmettiez. Donc, les gens qui ont des carences dans le monde de la communication, c'est des gens qui demandent à être compris en le disant. Ils n'aiment pas s'expliquer. Tandis qu'un communicateur, comme moi, je suis Verseau, puis j'ai beaucoup de planètes en signe d'air, je peux prendre le temps, je peux répéter. Hein? Ça doit faire 20 quelques années que je répète, au moins. En tout cas, j'ai commencé avec Bernard en 82, j'étais astrologue avant, on peut dire que le monde ne me comprenait pas là non plus, puis j'ai commencé l'astrologie à 16 ans, puis je n'ai 62, fait que c'était un bon 40 ans de misère à se faire comprendre, j'entends. Donc, les gens qui sont vraiment communicateurs, ils ont la patience de s'expliquer, ils sont capables de répéter souvent, parce que ce qu'ils veulent, c'est d'être compris, mais ils ont une volonté de. Tandis qu'imaginez un individu qui a une carence, un manque dans le domaine de l'idée, donc de l'air, et puis que lui, si tu ne le comprends pas, ben arrange-toi avec ton problème. Tu sais? Genre, tu demandes à quelqu'un, savez-vous ce qu'est la rue, tout ça? Il te donne le doigt, là, puis il t'indique, parce que là, il faut que je le passe au micro quand même. Il te met le doigt, là, puis. Mais en fait, là, il met le doigt, mais il ne parle pas. Que t'as affaire à comprendre, tu sais, que ça veut dire que c'est par là-bas. Ça veut pas dire que c'est la rue prochaine, c'est par là-bas. Arrange-toi avec ça. Mais il y a des gens, c'est sûr, ils sont sourds muets, là, tu sais, fait que ça aide pas non plus pour communiquer, j'entends. Mais ils peuvent avoir des idées pareilles, tu sais, tu l'écris sur un papier, ça c'est pas payé quand même. Puis avant l'invention du GPS, c'était souffrant, ce monde-là. Là. Fait que l'air, c'est le monde qui fait que ce que tu comprends, tu peux le faire comprendre. Et n'oubliez jamais, les gens qui ont des carences dans le domaine de l'air, donc des idées de la communication, c'est des gens qui veulent pas se faire comprendre. C'est arrange-toi avec tes troubles. Tu comprends pas? J'ai un avantage sur toi. Tu sais, parce que c'est animal, la planète, un petit peu. Hein. Fait qu'être meilleur qu'eux, là, il y en a qui s'enferment dans le secret pour le pouvoir. Tu sais pas, je le sais, hein? La tâche. Où est-ce que t'es dans le plancher, là? Je te vois plus. Tu sais? Fait que c'est clair que ça, c'est important. Parce qu'il y a du monde qui veulent le savoir. Qu'est-ce que t'as fait dans la vie? Ben, je vais te dire la semaine passée, là, c'était un bout de ma vie. Ouais, mais là, deux semaines avant, la semaine prochaine, t'en parlerai. Fait qu'on va sauter une semaine. C'est des gens qui veulent pas se faire comprendre. Parce qu'ils veulent garder le pouvoir. Il y a beaucoup, beaucoup de monde sur la planète, ceux qui sont au pouvoir, qui contrôlent l'information. Donc, ils ne veulent pas communiquer pour garder le pouvoir. Tu vas regarder dans une entreprise, il y a des gens qui disent on ne dira pas ça aux employés. Parce que si on lui dit, ils ne comprendront pas. As-tu fait un essai? On ne veut pas l'en parler. Tu devrais essayer. Il y a lui, qui c'est des brillants. Non, ils n'ont pas la stature hiérarchique pour pouvoir être dans le secret des dieux. Fait que tu vois bien que c'est pour garder l'information. Mais ces gens-là, souvent, ils ne donneront pas de privilège à la communication pour s'assurer un contrôle. Très fréquent chez certaines personnes. Par contre, ils ont beaucoup d'idées pour inférioriser leur environnement. Il n'y a pas de monde comme ça sur la planète. Dans ma fille, il y a beaucoup. La loi du silence, l'omerta, c'est basé sur le fait d'étouffer, manquer d'air. Tu sais, manque d'air, t'étouffes l'autre, hein, tu sais. Avant qu'il meure, évidemment. Il sent qu'il étouffe avant de mourir. Fait qu'il sent que, oups, il me manque ça. Sais-tu que, si je sais pas ça, moi, je suis en danger de mort, hein? Fait que ça, c'est des éléments où il y a des carences en signe d'air. Puis, c'est comme je vous dis, ça peut être voulu. Comme il y a des gens qui jouent beaucoup avec les émotions, donc la publicité, ça en est un, qui jouent beaucoup avec le corps émotionnel. Ils cherchent des tons de voix, elle travaille en publicité, puis ils vont chercher des types de voix, des types de mimiques, toutes sortes de comportements qui vont jouer beaucoup, beaucoup avec le côté émotionnel des gens pour installer un drame ou extase. Une publicité, moi, je la trouve bonne, c'est pour Midas, là. Ne faites jamais confiance à un zombie qui dit qu'il aime la vie. Ne sautez jamais en bas d'une montagne avec du rocher. Ils jouent avec le drame, puis après ça, ils finissent avec une affaire qui est drôle. C'est beaucoup, beaucoup de jeux d'émotivité dans le domaine de la masse. D'ailleurs, la masse, moi, j'ai étudié en publicité puis en marketing. Puis, en fait, j'ai fait mes études en finance puis tout le kit. Puis il disait que la publicité, c'était maximum 14 ans. On faisait une publicité avec une lecture que les gens avaient un maximum de 14 ans. Souvent, c'était en bas de ça. La Terre, maintenant. La Terre, écoutez, c'est pas compliqué, on ne parle que d'argent. Tout est évalué en fonction de l'argent. C'est pas d'en avoir de l'argent, c'est d'être capable d'en générer. Je me dis, c'est quoi la différence, en avoir puis générer? C'est parce qu'en avoir, je peux te donner 1000 piastres, mais je te montre pas comment faire. C'est ce qu'on appelle donner du poisson, mais pas montrer à pêcher. Donc, quand on parle de signe de terre, on parle d'une capacité d'organiser la finance, d'engendrer des moyens pour avoir une finance. Fait que la terre, c'est celui qui arrive avec de la forme, toujours de la forme, qui organise la valeur, l'argent c'est une valeur, et puis qui va rendre ça pratique dans le sens que c'est structuré pour circuler. Vous savez? Peu importe la forme, comme lui, il liquide n'importe quoi, fait que n'importe quelle forme qui passe entre les mains, il peut passer. Là, c'est des gommes, là, mais la semaine passée, c'était. Qu'est-ce qu'il y avait à vendre, là? L'affaire de coiffure. Tous les équipements de coiffure, là. Fait que c'était ça. Puis une autre avant, c'était un bateau, puis un autre, sous d'autres choses. Fait que lui, c'est pas qu'est-ce qu'on vend, c'est combien ça vaut. Avec le combien ça vaut, il présente ça à 10-20% de la valeur initiale, neuve, et puis il vend ça pour les banques. Il travaille avec des huissiers, Pocket et associés. Puis il organise ça. Bon, il est très, très fort là-dedans. Niveau émotionnel, je dis, quand est-ce que tu commences à jouer de la guitare? Tu pourrais commencer avec les claviers. Clavier, il me semble, moi, puis la guitare, puis toi, les claviers. On a tous les deux des carences là-dedans. Il n'y a rien qui marche quand on pense coupe. Nous autres, c'est un fiasco à tout coup. Fait que tu devais être traité avec l'eau. Les idées, tu n'as pas mal, franchement, là. Puis le feu, ben, tu as une bonne drive. Je regarde ça pour 65 ans, là. T'en as dedans, tu sais. Fait qu'il te manque la même chose que moi, l'eau. Il dit, non, moi, la musique, non. J'aime mieux aimer mon chien. Ben, je dis, moi, j'aime déjà 21 chats. Bon, ben, tu t'assais. T'sais, il pratique, lui-là. Là. Coûte cher, ça, là, une guitare, là. Là. Dis, moi, un chien, c'est assez. Chien, ça vient me coûter 1000 piastres pour lui faire réparer en hanche. Fait qu'il pratique en priorité. Les émotions, si c'est payant, il va être en amour, ça, c'est sûr. Et puis, il va les aider pour que ça dure le plus longtemps possible, si ça paye. Fait qu'il m'a dit une petite riche, lui, ça serait parfait pour lui. C'est une femme qui vient d'hériter, là, genre, d'un mari qui valait 6 milliards, hein, c'est ça. Fait qu'il va l'aider à organiser sa finance et puis à voyager là. Ça serait son style. Fait que, c'est ça. C'est, dans le fond, il s'agit de savoir qu'est-ce qui vous manque, puis d'essayer de travailler sur ça. Donc, la Terre, c'est tout le caractère comptable, organisationnel, puis surtout une aptitude à générer de l'argent. Surtout ça. Puis si vous avez une carence sur cette capacité à générer, vous allez généralement être assez malheureux dans la vie à pas être capable de créer un échange avec ce que les gens ont comme la plus grande garantie dans la vie. Tu donnes 20 piastres à n'importe quelle personne, même un Américain qui boude sur l'argent canadien, puis ça a une valeur, même s'il te connaît pas. Vous me suivez? Tu peux faire brailler un Allemand si tu parles pas en allemand, avec l'émotion. Mais si tu veux apprendre l'allemand, il te faut le monde de l'air. Puis si tu veux traiter avec un passage en quelque part, il te faut la terre, l'argent, la finance, la structure. Puis dans tout ça, ben, il faut que ça soit complété par du feu. Les gens vont toujours aimer consommer une énergie de quelqu'un qui est flamboyant. On n'a pas le goût de parler à quelqu'un malade. On veut parler à du monde qui a du feu. Parce que le feu, c'est communicatif, ça réchauffe, ça dynamise. Moi, arrivé avec une conférence, faire une conférence, puis j'allais à la grosse grippe que j'avais il y a 3 semaines. Écoutez, je ferais une demi-heure, puis je m'écraserais. Mais là, j'ai retrouvé mon élan, puis ça donne que la conférence, j'étais prête pour la faire. J'avais le feu qu'il fallait, tu sais. Bon, ben, les gens consomment ça aussi. Fait que tout le monde consomme un des quatre éléments. Puis il y a des gens qui vont privilégier la finance, un autre l'eau. Un musicien, c'est au pauvre. Pourquoi? Parce qu'il privilégie l'eau. Le monde de l'émotionnel. Comprenez-vous? Un intello, un avocat, n'importe quoi, il privilégie l'air. Tu sais? Il parlait fort pour le parler comme il faut. Hein? Et puis, avec l'air, ben là, ils ont des idées. Puis là, ils peuvent jouer avec le 150 ou le 350 piastres de l'heure. Fait que c'est un élément, ça, qui est à considérer, parce que une personne qui veut réussir sa vie a besoin des quatre éléments, puis que quelqu'un qui veut réussir dans la vie a besoin d'un ou deux éléments qui vont lui donner du talent. Ça, c'est ça, votre karma. Votre karma, c'est vous êtes né avec un talent, mais vous avez des carences, vous avez des manques dans d'autres secteurs. Fait que des fois, il y a des gens qui réussissent très bien en affaires, mais au niveau affectif, ça marche pas. Il y en a d'autres qui ont des super de bonnes idées, mais ils n'ont pas la structure pour organiser leurs idées. Ou il y en a qui ont carrément juste du feu, ça fait des bons sportifs. Tu lui dis, il faut que tu cours de telle façon. Ils vont le faire à perfection, ils vont être payés. On regarde les joueurs de hockey, 2-3 millions pour faire ça. Et puis, tout ce qu'on lui demande, c'est d'avoir beaucoup de feu. Puis un minimum de lecture de la glace pour quand ils jouent, savoir se placer comme il faut. T'sais? Un minimum. T'sais? Parce qu'une fois qu'ils le savent, ils le savent. Tout ce qu'il leur faut, c'est de faire un 15 minutes de temps de glace, puis 30 minutes pour les meilleurs. Mais on ne lui demande pas d'être en amour avec la foule, on ne lui demande pas d'être en amour avec personne. L'argent, bien souvent, c'est un comptable ou un gérant qui va gérer ça. Ça, c'est pure âme. OK? Bon. Évidemment, l'objectif de ma conférence, c'est pas de vous faire comprendre que vous avez des talents, mais que vous êtes pioche dans d'autres secteurs. Mon objectif, c'est de vous permettre, à soi, de comprendre que votre esprit peut combler les manques et laisser le beau talent s'exprimer. On touche pas à ce qui va bien. On s'occupe juste de qu'est-ce qui peut aller mal. Évidemment, quand vous avez beaucoup d'esprit, même le mal est complètement neutralisé par une excellente lecture du renforcement que le mal vous fait subir, évidemment. Mais c'est une autre histoire, puis il y a d'autres CD de fait déjà là-dessus. Bon, on arrive au feu. Personne manque. Là, je parle de ce qui vous manque. Mettons que vous avez manque de drive. En général, si vous manquez d'un élément, c'est parce qu'il y a un des trois autres qui est trop fort. Si vous êtes très fort en émotion, ça a des maudites bonnes chances d'étouffer l'élan. Vous me suivez? Moi, je connais beaucoup de gens qui sont très, très hauts, là. C'est que leur vie, là, c'est de fournir assez d'eau pour qu'un pompier puisse éteindre les trois étages. Ils sont capables de broyer assez, là, pour qu'il y ait du pitch dans la hose, là, pour éteindre les trois étages. Enfin, c'est des pleureuses. Tu meurs, tu l'invites, t'es sûr d'avoir un bon enterrement, tu sais. Ça broye, ce monde-là, là. Ça rouvre les valves, puis ça s'éteint plus. Céline Dion est pas mal haut, tu sais. T'as regardé aller à du feu, de la drive, c'est un bélier, c'est sûr. Mais quand t'as peur à broyer, là, tu vois bien que c'est pas connecté avec un petit gadget dans le dos qui envoie de l'eau, là. Ça marche pas de même, tu sais. Tu payes sa pompe, puis ça pleure. Non, elle est très haut. Puis j'ai checké sa carte du ciel à trois planètes en poisson. Ça broye tout seul, cette affaire-là. Puis, ça, si vous avez une dominance dans votre vie, dans votre plan de vie, dans votre karma, en eau, ça peut éteindre l'air ou le feu. Parce que c'est un signe négatif. Hein? Fait que pour éteindre un positif, il faut que tu aies un surplus de négatif. Un surplus de négatif étant la terre et l'eau. OK? Bon, comme exemple, un être qui est très feu ou qui est très air, qui vit beaucoup dans le monde de l'idée, il peut éteindre son eau, il peut éteindre sa terre aussi. Parce qu'il va devenir trop sec. C'est comme ma guitare qui commençait à cracher du manche. Le gars, c'est 45 degrés d'humidité. À 35, ça commence à tordre. Tu peux même à 25, tu fais ta table d'harmonie. Hey, 3000 piastres à guitare. J'ai-tu le goût de l'humidifier? Ça m'a liché le soir avant de me coucher. Quand il y a assez d'eau. Tabarnak. C'est 2 mm et quart de table d'épinette. C'est pas le bois le plus fort, là, hein? D'épinette. Parce que vous savez, cette bébelle-là, là, c'est ça qui fait le son. Et je t'ai dit que j'ai pris des cours cette journée-là. Quand j'ai ramené ça, il dit une chance, tu me l'as amené. Je dis non, je pourrais te la retourner. Je suis en dedans de 10 jours. Il dit non, on la reprend pas, fuck out. Fait que, il faut de l'eau. L'humidité, c'est de l'eau. quand c'est trop sec. Fait que le feu peut tasser la terre et l'air. Tu peux avoir tellement de drive, tellement d'air, que tu n'as plus le temps de t'occuper d'organiser ta finance ou de mettre un caractère subjectif à ta vie. Qui, exemple, vous allez me dire, c'est quoi du subjectif? C'est tout ce qui est du rêve. Tout ce qui fait que je t'ai rendu, je regardais des guitares à 11 000 piastres. Je dis, ouais, c'est un bel en maudit. Écoute, à 11 000, là, on a besoin d'être belle. Puis je regardais ça, puis ça, c'était lourd. Je dis, tant, je commence à comprendre ce qu'ils veulent dire. Là, mais au niveau de guitare que je joue, là, 11 000, là, on va attendre une couple d'années encore. T'sais. Moi, je figure que j'ai encore 10 ans efficaces. Là, je suis les deux, je suis les 12. Je suis les 12, on va faire de la retraite sur le manche. Là, que, quand je dis au gars, je dis, as-tu un bon investissement? C'est pas une bonne guitare, un bon investissement. C'est quelque chose qui ne perd pas sa valeur sur 10 ans, on ne va pas la revendre le même prix. Que, ça, c'est le terre qui parle. L'eau, c'est pour la sensation de la guitare. Tu la regardes, puis tu joues dessus. L'air, c'est les idées que tu vas développer, le style. Puis le feu, ben, c'est tous les matins, tu te lèves une demi-heure. J'aime mieux ça faire des push-ups, j'avoue. Et puis, les quatre éléments sont comblés. Mais s'il y a une carence dans ces quatre-là, il faut que l'esprit intervienne. Exemple. Ça, c'est très haut, là, le guitare. Bon, si je manque d'argent, puis j'ai un gros problème de finance, j'aurais plus le goût de jouer ça. Vous savez? Ça va me faire perdre mon feu, parce que mon feu, pour ça, ça va se diriger vers quelque chose qui me demande de générer. Vous me suivez? Puis là, je vais me travailler le coco pour d'autres choses que de jouer de la musique. On s'entend, c'est pas payant, pas pour moi de coup. Fait que c'est tout de tenir ça en équilibre tout le temps. D'être toujours à l'écoute de « qu'est-ce que je fais, là? Je suis dans quoi, là? Je suis dans… » Tu sais, si je pense conférence, moi, là, j'ai besoin de l'air, j'ai besoin du feu pour la drive, puis j'ai besoin de savoir compter, là, tu sais, j'ai de l'argent à recevoir, la salle, ça coûte 250 piastres, tu sais, tout ça, hein, faut que je pense à ça. L'eau, ça, c'est, si je mets l'enfant, il va faire des jokes, tu sais, mais je vais penser à ces trois-là en commençant, puis ça en dernier, tu sais, fait que tout ce que vous faites dans la vie, c'est sûr que quand vous faites l'amour, c'est pas le temps de commencer à comment ça coûte, c'est plutôt comment ça va vous coûter, mais pas comment ça coûte. Sur le moment même, tu ne penses pas à ça. Tu penses à la conséquence, ça, c'est dans une heure. Tu penses à ça dans une heure. Mais il faut que tu sois dans... L'émotion, c'est une affaire de temps présent. Fait que si vous êtes déphasé dans votre futur ou dans votre passé, vous êtes dans le monde des idées, dans le monde du... Ben, le feu, non, parce que c'est encore bien présent. L'idée est terre, that's it. Parce que là, vous êtes dans le passé, vous êtes dans le futur. Mais pour le temps présent, là, le temps là, présent, là, c'est l'eau puis le feu. Le feu, là, c'est tout de suite, c'est l'événement. Bang. L'eau, c'est pour le vivre, là, faut que tu sois dans ton corps, faut que tu sois dans une sensation, dans une perception. Fait que ça, ces deux éléments-là, là, ça attend pas. Les deux autres, oui. D'ailleurs, tu peux faire des placements puis récolter dans 8 ans, 10 ans, 15 ans, la terre, tu sais. Ça reste là. Tu achètes une maison, on peut passer au feu. Mais faire passer un terrain au feu, c'est fort celle-là, hein? Faire passer un terrain au feu, on oublie ça, c'est là pour longtemps. Okay. Le terrain ou la terre, c'est des éléments qui sont comme permanents. Les idées, ben, si vous êtes des tripeux de vérité, ben, quand vous êtes dans une vérité, vous êtes dans une idée, donc conséquemment, c'est une permanence aussi. Si vous êtes dans la réalité, ben, là, vous avez des idées du moment. Ben, souvent, pour être dans la réalité, il faut accompagner ça par le feu, parce que vous avez la vérité de l'instant. Donc, c'est ça qui fait que c'est de la réalité. Donc, une personne qui dit « Moi, je veux corriger mes carences », il faut que, premièrement, il l'identifie dans comment il vit son quotidien. Fait que tu vis un quotidien, tu es dans un bouillon de perception dans ton quotidien, puis là, il faut t'apprendre à lire. Es-tu dans un mouvement où ça demande de l'élan, de la drive, de l'énergie? Es-tu dans un mouvement où il y a bien des idées qui tournent ou ça demande, comme moi, quand je conduis un auto, j'ai pas d'idées, je conduis un auto. C'est pas là que je fais mes grandes explorations intellectuelles. T'sais, j'ai besoin d'un livre, d'être assis puis de travailler avec ça. En d'autres termes, tu n'apprends pas à conduire une auto en conduisant. Tu l'apprends avant, tu conduis après, puis au fur et à mesure que moi j'appelle ça la mémoire musculaire s'installe, mais là, ça devient réflexe. Mais tu commences à mettre des émotions à chaque fois que le wiper parle. Puis là, tu parles à broyer parce que le char broye. Mais là, ça va pas bien ton histoire, là. Il y a un déséquilibre là-dedans. Faut que quand vous faites une étude de quel élément qui vous perturbe, ben là, vous pouvez identifier assez facilement vos carences. C'est, moi, je dis j'aime les chats à 21. Mais le matin, quand je change la litière, non. Pas plus que ça. Fait que faut bien comprendre que aimer, c'est une relativité. Hein? C'est conditionnel. Là, que si tu perds, c'est toi autres. Parce que ça a tendance à étouffer sérieusement. D'ailleurs, les pompiers éteignent le feu, éteignent tout avec de l'eau. Et puis ça, l'eau, c'est je vous l'ai dit, c'est le deuxième ingrédient à traiter là après le feu. Il y a des gens, moi, vous dire, 90% de leur vie tourne autour de l'émotion, l'extase, le drame, ces choses-là. Donc, c'est ça et ça avant ces deux autres-là. Quand ça et ça sont en équilibre, avoir des idées puis le rendre ça pratique, là, c'est un jeu d'enfant. Des questions. Quand je viens ici, c'est pour voir combien de minutes qu'il me reste avant 74 minutes. Des questions. Mais pas, hein? Il y a peut-être l'émotion avec le feu, hein? Il manque de drap. Le feu, puis l'eau, les deux choses. Que je qualifie, moi, de plus important, de mon observation de vie. Quand je dis plus important, je ne veux pas dire que les deux autres ne le sont pas. Ça veut juste dire que si tu as envie, si tu n'as pas de drive, puis tu n'as pas de projection, tu n'es pas capable de te vendre. Puis si tu es dans l'émotion, par de ses oreilles, tu peux éteindre ton feu, le feu qui te reste. Sont banalisés son quotidien pour trouver ses carences. Est-ce qu'on peut analyser sa vie en général pour se donner une idée? Oui, mais c'est parce que une vie en général, il y a des. Moi, il y a des choses que j'ai corrigées. Là. C'est que j'étais à 20 ans, je ne suis plus ça aujourd'hui. Juste de rembarquer sa guitare, je suis le premier surpris, je suis encore sous le choc. Là. Février-mars, là, c'est tout que j'ai appelé en premier, je voulais être sûr que je n'étais pas gaga. Là. Tu trouvais ça gaga, hein, comme moi d'ailleurs. Ben, moi, je ne l'ai pas trouvé encore intelligent, mais c'est bien la conséquence. Très, ça bouffe beaucoup de temps, cette affaire-là. Ben, tu sais, s'occuper d'une femme aussi, ça prend beaucoup de temps. Hein. Pas sûr. Pas sûr. Plus j'avance, là, plus je. Je suis bon en psychologie, moi, là. Ça fait qu'on peut. Prends une séquence de 6 mois, ça va aller plus vite. Parce que il y a 10 ans, tu n'étais pas nécessairement ce que tu es aujourd'hui. Mais il y a 6 mois, là, mettons que les changements ne sont pas. Tu ne peux pas faire un gros changement sur une base de 6 mois. Là. Tu peux faire des mouvements qui vont prendre. Comme moi, la guitare, je me suis donné 2 ans et demi. C'est sûr que ça m'a pris avec les carabines, 2 ans et demi. Je suis passé de. Je m'en allais pas me chercher une carabine, je m'en allais me chercher une arbalète. Puis quand j'ai vu la carabine, je dis hey, elle est bien belle, ça. J'ai acheté, c'est parce que j'aime ça, le bois. Puis la façon qu'elle travaillait, c'était une belle carabine. Elle avait un beau bois. Puis, plutôt que d'acheter une arbalète, j'ai acheté une carabine, puis mon histoire a commencé là. Puis là, aujourd'hui, je suis calibre intermédiaire, à peu près, en tir. OK. Peut-être pro à la fin de l'année ou l'année prochaine, je ne sais pas. Si je réussis à tirer 1 km dans cible ou dans le 10, là, moi, je me considère pro. OK. Ben, tout demande du temps. Un changement, c'est pas tout d'avoir l'idée. Que tu sois capable de le pratiquer puis de le vivre. Là. C'est ça qui est le point. Là. Gros point est là. Fait qu'un changement, pour moi, c'est long. Tu as une idée vite. Tu as une drive vite. Il faut que tu tiennes ta drive. Là. Guitare, c'est bien beau. Là, ils sont snappés sur le mur, mais tu sais, de l'élan, là. Tabarnouche. Quelque chose, ça, là. Donc, Daniel, tu dis que tu as des carences. Oui, puis il va te placer des événements pour t'aider aussi, si tu es ouvert le moindrement. Là où tu as des carences, comme toi, ta carence, c'est au niveau de la terre, c'est la finance. Ben, tu as eu des gens pour t'aider là-dedans. Moi, je t'ai aidé beaucoup, mais il y a eu d'autres, là, une couple de comptables qui t'ont bien aidé. Parce que tu as la drive, tu as l'émotionnel, les idées, tu as l'avantage de les reconnaître, mais quand tu arrives dans la terre, là, t'es enterré. Okay, ça, c'est un manque. Mais tu sais, si tu as une constance là-dedans, je te disais tout le temps, fais ta comptabilité, pas juste pour entrer des chiffres, pour t'habituer le mental à travailler avec des chiffres. travailler avec la forme, travailler avec les valeurs. Regarde, tu étais au Centre Bell, puis tu avais un problème de valeur. Ça, c'est parce que tu travailles pas assez avec les chiffres. OK, ça, c'est une carence. Puis tu sais, ça peut te rendre pauvre, comme ça. C'est tous des éléments, ça, qu'il faut que soit identifié. Quand tu as quelqu'un, comme moi, je suis ton coach, mais c'est bien évident, c'est facile pour moi de l'identifier, puis de t'aider à corriger. Mais regarde comment c'est long. C'est maîtriser un peu la comptabilité, puis voir ça comme essentiel dans ta vie. Ça t'a pris facile 5 ans, là. Puis je suis ton cas, tout bout de champ. Tu établis tes priorités en fonction des dettes que tu as éliminées, là. Tout le temps, je te lâche pas, jamais, jamais. Okay. C'est ça. Pour balancer la carence. Il y a une carence là-dedans. Là. Tandis que moi, je fais ma comptabilité tous les jours, au quart de scène près. Est-ce ça fait ce que j'ai expliqué. Ça fait ce que j'ai expliqué au début, ça rend pauvre. Parce que la terre, tu ne peux pas te permettre d'oublier ça. Là. C'est l'essentiel même de la richesse, c'est l'ordre. Pas d'ordre dans la finance, automatiquement, tu es pauvre. Parce que tu ne sais pas où tu t'en vas, tu ne sais pas où placer les valeurs. Un bon trader, là, c'est quelqu'un qui sait évaluer le marché. Un bon trader, c'est quelqu'un qui a un système pour lire le marché. Il est capable d'étudier le marché et de poser des décisions qui sont à propos. Mais pour ça, il faut qu'il connaisse les valeurs. Tu sais? Comme l'affaire de Pio Peng, là, la Corée, ça a une grosse influence, ces monnaies, ça, là. Grosse influence. Fait que, là, comme les États-Unis sont au bac, mais la monnaie américaine a mangé une volée depuis 2-3 jours. Là. Fait que là, c'est l'euro qui monte à cause de ça. Fait que ça, c'est toutes les menaces de guerre coréennes. Fait que, si tu as une bonne évaluation des choses, tu peux poser des actes qui sont efficaces puis qui donnent beaucoup d'avantages sur le plan matériel, tout simplement. C'est bien acheter ton auto. Tu aurais pu t'acheter un Audi, tu aurais coûté 4 fois le prix, puis tu ne serais pas capable de payer, tu es obligé de retourner au bout de 6 mois. Comment tu? C'est savoir évaluer, ça. Faut que tu sois capable de chiffrer un acte. Quand tu es capable de chiffrer un acte, tu as un maudit avantage dans le signe de terre, là, dans la terre, tu as un gros, gros avantage. Ça, c'est une affaire que j'ai montré à mon gars très jeune. J'ai dit, bon, viens-t'en, là, on va t'amener les thèmes, on va t'emmener les dealers de thèmes. Puis là, il arrivait en avant, 12 ans, puis il tenait des teintes de 400-500 000. Là, je te dis que le juif, il me regardait. Moi, je m'étais arrivé là en cravate, tout le kit, pas comme l'aide de quelqu'un triche. Là, pas de problème, moi, je... Dans le fond de la salle, il y a Chris déchire en pour un petit cul. Tu sais, mais je voulais qu'il apprenne à évaluer, à goûter à la valeur, à être proche de quelque chose d'inaccessible, en tout cas pour son père. Puis c'était ça. Goûter à ça, à la valeur des choses. Tu développes ton sens pratique dans ce temps-là. Autre question? Ça, si tu peux analyser ton passé. On va l'analyser comme il faut parce que c'est bien important. C'est l'esprit qui veut régler la balance comme ça, il travaille des événements. L'esprit veut rien. L'esprit, regarde ce que tu peux faire. Puis, elle se place. Quand tu peux faire quelque chose. Elle ne te force pas à être quelque chose. C'est toi qui veux. Toi, dans le sens de ton esprit qui t'habite, tu as un esprit tout. Il y a un esprit qui habite n'importe qui, là, OK? Et puis qui est finalement linké à l'esprit, là, dans le sens large. Pour revenir à la religion, c'est comme il y a Dieu, puis il y a des anges, OK? Mais si tu reviens à la conscience supramentale, ben, tu as les forces et tu as la force qui t'habite, qui est ton propre esprit. Puis ton propre esprit, quand il peut rentrer, quand il y a une ouverture pour rentrer, quand tu n'es pas trop pris dans l'âme, il t'envoie des hymnes, puis il dit, ben gars, vibre à ça. Là. Des fois, il ne te parle pas. Moi, il y a des affaires qui me font faire, des fois, puis ça ne me parle pas. Ça me le fait faire, pas pareil. Puis des fois, ça me l'explique. Moi, j'ai la chance de pouvoir avoir des bonnes explications de ce que j'ai à vivre après, souvent. Des fois, il ne me l'explique pas pour que je le vibre, puis que je le fasse. Tester des zones, justement, qui sont des carences. Moi, la musique, j'avais rayé ça fait longtemps. 18 ans. Ça fait 18 ans que j'ai pas touché une guitare, rien. Okay. Mais quand tu identifies une carence, ils vont dire, on te fait faire ça pour ça. Ça, c'est l'esprit. Ils vont dire, mais c'est bien beau les chats, là, mais il faut quelque chose d'autre, là, qui est plus personnel. Le chat, c'est relationnel, mais conditionnel à ce que le chat a le goût de se faire flatter. Quand t'en as 21, là, ils ont tout le goût à leurs heures. Mais quand t'es 6 qui veulent en même temps, ben, c'est un à chaque fois, puis ils boudent, ça boude un chat. Tu m'as pas aimé hier, je t'aime pas là. J'ai vu des chats bouder, moi, des 4-5 mois de temps. Là. Donc, je veux pas avoir quelque chose qui est conditionnel. Quand vous identifiez une carence ou un manque, essayez de garder l'élan de le régler là. C'est parce que souvent, vous allez retomber dans vos habitudes d'âme. Une habitude d'âme, c'est bâti réflexe. Je te donne un exemple, conduire une auto. Tu regardes la route, avec, tu sais, tout le monde n'est pas au même niveau d'intelligence, mais tout le monde ne fait pas des accidents tous les jours. C'est impressionnant de voir le calibre intellectuel des gens versus le nombre d'accidents qu'il n'y a pas, considérant le calibre d'intelligence. Non, c'est impressionnant pareil. Fait qu'il y a des éléments réflexes qui se développent puis qui donnent comme une forme de sécurité à la personne. Puis quand elle se sent sécure, ben, elle pense pas vouloir se développer. Elle est sécure dans ses comportements d'âme. Fait que c'est juste quand à un moment donné, il y a une crise, donc un manque, une carence. Là, l'esprit essaie de s'installer, mais la mémoire vient fighter, vient comme vouloir interdire cette influence-là, comme telle. Vous suivez? Puis c'est dur de faire une habitude d'âme. C'est une personne qui a passé sa vie à contrôler un budget, contrôler ci, contrôler ça, puis qui était toujours tout seul, donc il n'y avait aucune forme d'interférence extérieure, m'a dit, casser les habitudes-là, c'est pas évident, ça. Ben, tu lui demandes un changement. Hey! Pourquoi changer? Ça va bien comme ça marche, là. Fait que t'attends qu'il y ait une crise, parce qu'il n'y a pas de crise, pas de développement. Fait que, ou il se laisse aller par le fait des forces qui disent « fais ça ». Là, il dit « je vais me piquer une crise avec ça ». Ouais, c'est ça qu'on veut. On veut que tu aies une crise, mais on t'avertit de ta crise. That's it. Monsieur?